hein, qui se sont distingués cette semaine. Dans une semaine qui a quand même été amusante. Je trouve qu'au niveau sonore, ça a été une grosse semaine. Au niveau audio, là, pour nos oreilles, ça a été une grosse semaine. Une bonne ou une mauvaise? J'adore ça, moi. Semaine, on est des médias, j'ai adoré ça, moi. Une semaine difficile. Oh oui. Avec, entre autres, oui, c'est ça, les shows de TV. Oui, ben là, faut se mettre dans le mood, hein, parce que ça a été une performance qui a beaucoup fait jaser cette semaine. Et ça a été fait sur les ondes d'une station que nous n'écoutons pas assez. Mm-hmm. Non, transportons-nous dans le monde merveilleux de Télé-Québec. Il est 8h26, excellente matinée. Vous écoutez Deux Hommes en Or, en compagnie de Jean-Denis de la Graveline et de Michel Jérôme Landry-Gasconadon. Je suis content de notre nouvelle carrière. Oui, on se trouve excessivement bon. Il faut évoluer dans la vie. Oui. Et je vais te parler de mon passage au théâtre Périscope. Oui. Hier soir, je vais te faire mon analyse d'une pièce de théâtre. On sait que tu es allé voir du théâtre expérimental où on joue tout nu avec des touffes. Oui, c'est ça. Oui, question de choquer hein, le spectateur. Et je trouve qu'on a aussi un mandat de pédagogie à la radio. Hein. Ben des gens instruits et imbus comme toi et moi, deux hommes en or, on se doit, c'est notre devoir de citoyen, d'informer les guenillous hein, qui forment la plèbe. Ces gens qui ont des vies minables, là, avec des familles et des automobiles. Mm-hmm. Urk, je vous vomis. Je vous vomis. Et vous allez finir par comprendre, et avec la pédagogie... Oui. On vient de se donner une mission pédagogique. Car en plus d'être intelligent, cultivé, séduisant, beau, rempli de qualité et d'érudisme, nous sommes de grands pédagogues. Oui. Et étant donné que nous sommes sur les ondes de Télé-Québec, un endroit où nous recevons de très bons satires, d'ailleurs, on aimerait saluer Julie Lamoureux Bégin Tremblay. Nous aimerions saluer Sébastien Gariépi, Lalancette Morissette. Ça, c'est nos recherchistes? Non, ce sont nos téléspectateurs. OK, les deux, OK. Oui, voilà. Okay, alors, c'est fait, c'est chose faite. Maintenant, voici ce que vous manquez lorsque vous n'écoutez pas Télé-Québec la fin de semaine. L'émission Belle et Bomme, qui, oui, Monsieur Landry, existe toujours. Oui, oui, oui. Envers et contre tous. Mais c'est pas assez intello pour moi, donc... C'est trop populaire. Oui, non. Voilà. Si c'est vous... c'est la populace qui écoute ça, puis... Oui. Et c'est la seule émission musicale où il y a davantage de musiciens sur scène que de téléspectateurs à la maison. Je trouve qu'il manque de réflexion dans cette émission-là. Si vous étiez des gens plus érudits, plus avides de contenu... Eh bien, voici ce que vous auriez entendu samedi soir, lorsqu'une grande dame de la chanson québécoise, Michel Richard, est allée interpréter une chanson vulgaire d'un artiste métalleux que je ne connais pas, Ozzy Osbourne. Et voici ce que ça donnait, un grand moment culturel présenté par Télé-Québec. Nous sommes meilleurs que vous. C'est le cas de le dire, la merde ne se fait pas seulement sur les planchers de chambres d'hôtel. Vous entendez 67 guitaristes, 82 drummers, ils sont tous sur scène. Payé. Elle aussi. Elle aussi. Oui. Moins cher que nous, par contre. Ah, ben là, hein, la qualité, ça se paie, mon vieux. Hein? Oui, ben oui. Et des êtres de qualité supérieure comme toi et moi. Ben oui, hein, ben oui. Ça prend de grandes enveloppes. D'ailleurs, est-ce que c'est l'heure de parler de la charte? Oui, parce que l'autre volet de notre émission culturelle qui s'intitule, je vous le rappelle, Deux hommes en or, c'est de parler des grands débats de la société et de les amener plus loin. Hein? Et on aura deux journalistes du Devoir et trois blogueurs de sous-sol plus tard dans l'émission. Oui, des gens que vous ne connaissez pas. Non. Non. Non. Mais qui se relisent beaucoup parce qu'ils apprécient la qualité de leurs propres textes. Très actifs sur Twitter également. Ah! Également. Non, mais... que fais-tu, toi, en fin de semaine? Moi, je vais en Israël régler le conflit israélo-palestinien. Avec, Vincent Mainville, ce citoyen impliqué, ce citoyen engagé, qui a un projet, lui, de... Un projet de dénonciation de la situation en sol palestinien. Alors, nous allons en Palestine et en Israël en fin de semaine. On fait les deux endroits. Malheureusement, il a été arrêté par des policiers israéliens. C'est salopard. Ah. Je croyais qu'en fin de semaine, tu allais à Montréal, que tu suivais les sans-abri avec ton téléphone et tu appelais les policiers pour filmer de l'oppression. Non, j'ai un souper avec des amis. On va parler charte. Je sais que le sujet de la charte théâtre, a été abordé à de multiples reprises dans les médias de masse. De masse, oui. Mais nous, moi et toi, sommes capables de pousser plus loin ce débat. Ça a été une semaine, tu sais, au niveau pédagogique, ça a été extrêmement relevé. Il faut saluer le courage des individus qui s'élèvent au-dessus de la masse. Oui, ça prend un certain courage. Oui, parce que c'est des gens qui font rire d'eux dans les stations de radio poubelles, là, ces endroits. Radio privée, les fameuses radios privées. Alors, des endroits qui mériteraient d'être passés au bulldozer. Mm-hmm. On devrait commettre des actes de vandalisme et inciter sur Internet là les gens là à harceler les commerçants de ces stations de radio vulgaires. Là. D'ailleurs, vers 9h15, on aura Amir Kadir qui nous parlera du CRTQ et de sa commission parlementaire sur la nationalisation de la radio. Je peux te garantir une chose, Michel Gérôme, c'est que... Oui, Jean-Denis. Demain matin, Amir Kadir serait le président de ma République. Ah oui? Voilà. Voilà, c'est dit, c'est dit. Parce que nous ne reculons devant rien, nous, les imbus. Il faut saluer une dame qui s'est levée contre l'opprobre. Parlons charte. Voilà. Mm-hmm. Pendant cette commission-là sur cette fameuse charte, Sylvie Bergeron s'est distinguée cette semaine en nous ramenant à la base du débat. C'est toujours l'aspect pédagogique. Beaucoup de gens qui ne saisissent pas l'importance du débat sur la charte. Élevons-nous vers le septième ciel de notre culture et de notre intellect et saluons Sylvie Bergeron qui va nous expliquer au fond sur quoi repose ce fameux débat intrinsèque. Intrinsèque, oui. Opposant des gens voilés d'un voile, mais peut-être aussi voilés par un gaminet, voilés par des pantalons de tweed, voilés par des espadrilles. Et elle insiste avec beaucoup de pertinence sur le vivre ensemble. Oui. Le vivre ensemble. Et idéalement le faire nu. Voilà. Alors, Sylvie Bergeron de la Charte. C'est fondamental, puis dans l'axe que j'ai choisi, ça exprime l'idée que l'homme et la femme sont d'abord des êtres nus. Nous ne sommes pas des êtres vêtus. Non. Et donc, si on part toujours du principe que pour défendre une personne, on la voit habillée, on n'est pas en train de défendre l'humain en tant qu'essence intrinsèque. Je veux dire par là que... Je vous vois cligner de l'œil. Ce que je veux dire par là... Je vais y aller doucement. C'est que... Je vais vous rhabiller ça. Je vais vous rhabiller ça. Alors, la seule façon de régler les différends de la charte à la grandeur de la province de Québec, c'est pour les fonctionnaires de travailler nu. Oui, allez consulter mon blog, d'ailleurs. J'ai écrit 14 pages de blog sur... Oui, là-dessus. Oui, sur le... Je vous fournis en exergue plusieurs liens douteux là, de sites qui disent que George Bush a commandé le 11 septembre. Ce genre de conversation, là, toujours très intéressant. Attends un peu, faut que je me peigne le toupette un peu, là. Tu peux juste prendre aux oreilles de même. Ça n'a pas de bon sens. Mais hey, cette grande dame, d'ailleurs, c'est pas une guérette sous un pseudonyme, là. L'oreille peut lui jouer des tours. Là. Ah ben ouais, on fait des liens matin entre les voix. Hein? Jean Lavallée, on savait qu'on l'avait déjà entendu quelque part. Mais c'est vrai qu'elle sonne un peu comme... Puis dans l'axe que j'ai choisi, ça exprime l'idée que l'homme et la femme sont d'abord des êtres nus. Nous ne sommes pas des êtres vêtus. En tout cas, si c'était elle, j'espère qu'elle va reprendre à ce point-là au conseil municipal lundi. est-ce qu'on termine...